Activité 30. 1. Le rendez-vous de mercredi est à 11h30. 2. Le déjeuner avec le directeur est à midi. 3. Votre rendez-vous avec le médecin est à 10h15. 4. Votre entretien commence à 10h15. 5. Le dentiste confirme votre rendez-vous de mercredi à 14h20.